qu'est la vie, de l'oublier sur un lit défaillant, commencer à plier. Tous les autres sont dehors, leurs pensées deviennent de l'or. Vie bourrée à son Dieu, seul dans un monastère. C'est son choix, c'est son lieu. Seul dans un monastère, le diable nous a oubliés. Les bornes ne bougent plus, figées. La croix du tout rêveur est bien lasse. Pourra-t-il la faire un jour rire aux éclats? Vie vouée à son Dieu, seul dans un monastère. C'est son choix, c'est son lieu. Seul dans un monastère. Les filles de papier qui se jetaient sur lui, c'était si loin de ça. Malheureux pain de suie, jeune ou chaste, regard concentré, vie excentrée, âme vaste, vie douée à son Dieu, seul dans un.